Industry Ready Production, ESBeats.com. Make your dreams. J'ai rêvé d'un voyage au bord de la mer. Rêvé d'un voyage au bout de la terre. J'ai rêvé d'un voyage, d'un autre paysage, d'une ambiance calme où le ciel me prend de l'âge. J'ai rêvé d'un voyage au bord de la mer. Rêvé d'un voyage au bout de la terre. J'ai rêvé d'un voyage, d'un autre paysage, d'une ambiance calme où le ciel me prend de l'âge. Depuis 2006, je n'ai jamais eu de vacances, ennui, tristesse, seul tout dans ma chambre. Je me lève à 15h et passe des nuits blanches. Je ne dors même plus, mais les rêves me démangent. Mais vu que je devais aller dans mon lit quand ma mère me disait, bah moi j'oublie, je prenais mon vieux tel pour passer la nuit. H1 une fille, je connais par cœur les séries. Tous les jours la même chose, y'a rien à faire et le temps est sur pause. J'suis sous ma couette pour la même unique cause, passer le temps pour un demain morose. Été 2009, je deviens virtuose. J'écris la nuit, je me métamorphose. Je rêve de voyager, de sortir de cette chose qui me bloque, me tue, mais faut que j'explore. J'ai rêvé d'un voyage au bord de la mer. Rêvé d'un voyage au bout de la terre. J'ai rêvé d'un voyage, d'un autre paysage, d'une ambiance calme où le ciel me prend de l'âge. J'ai rêvé d'un voyage au bord de la mer. Rêvé d'un voyage au bout de la terre. J'ai rêvé d'un voyage, d'un autre paysage, d'une ambiance calme où le ciel me prend de l'âge. Et puis depuis je suis toujours dans la merde. Je rêve de ce voyage qui hante mes rêves. Très loin de la France et plus loin des emmerdes. Mais l'argent ne se trouve pas en fouillant dans les herbes. Alors je continue de mater mes séries au-dessous de la couette en plein dans la nuit. Après quelques mois, problème de myopie. À l'école je ne vois pas, j'abandonne, je maudis. Je ne veux pas de lunettes, ça va niquer ma vie. C'est fini, j'arrête toutes ces vieilles conneries. Je vais foutre le bordel aux profs, directrices. Je me fais renvoyer plusieurs fois pour galerie. C'est la merde, c'est la merde, mes parents m'ont puni. Moi qui rêvais un jour d'être applaudi. Je sors une musique sur l'école que je nique. Aujourd'hui je suis artiste reconnu du public. Dire que j'aurais pu niquer ma vie pour des problèmes de vue à cause des séries que je matais sous la couette la nuit. C'est vrai que pendant que les autres partaient en vacances, moi, j'ai eu la chance de découvrir que j'avais un talent d'écriture. Merci. J'ai rêvé d'un voyage au bord de la mer. Rêvé d'un voyage au bout de la terre. J'ai rêvé d'un voyage, d'un autre paysage, d'une ambiance calme où le ciel me prend de l'âge. J'ai rêvé d'un voyage au bord de la mer. Rêvé d'un voyage au bout de la terre. J'ai rêvé d'un voyage, d'un autre paysage, d'une ambiance calme où le ciel me prend de l'âge.